Alors, pour commencer, je vous dirais que je me sens totalement légitime pour parler devant vous ce soir. Pourquoi? Dans un premier temps, parce que je suis musicologue et que je vous parlerai plus volontiers du, je sais pas, du tempérament mésotonique ou de la vie de Schubert que Bon, de sociologie de politique des sciences. Et surtout, deuxième illégitimité, c'est que je suis retraitée déjà depuis un moment et que donc je ne suis pas au contact de l'université directement, complètement. Mais à ce titre, je bénéficie sûrement d'un peu plus de temps libre que les autres membres du CA de souvent l'université. Ou peut-être je suis un peu moins handicapée de l'ordinateur que mes chers camarades. Cela, bon gré et mal gré, me conduit à gérer le site de SLU de façon assez intensive en ce moment. Principalement avec Laurent Giavarini, qui devait être là ce soir, à ma place, et donc à la demande de Michel Barthélémy, je la remplace. Il m'a demandé donc de parler de mobilisation, de la mobilisation contre Parcoursup, vu du poste de vigie qu'est SLU, de faire un compte-rendu circonstancié de l'activité d'information et de contre-information ou de décryptage de la politique gouvernementale dans son domaine précis, qui est réalisée par SLU à l'intention de la communauté universitaire, d'éclairer sur les grandes étapes de l'histoire de SLU, vue à travers cette activité d'agence indépendante d'information critique et sur la lutte actuelle autour de la loi Auré. Donc, il soit remercié de son invitation ici. Je l'ai cité jusqu'ici, c'était ses invitations. Comme vous le savez sans doute, cette communication était prévue pour le 3 mai dernier. Et depuis lors, des évacuations policières, des examens délocalisés, d'autres chiffons rouges médiatiques sont venus un peu doucher l'enthousiasme de la mobilisation du début du mois. Mais bon, depuis quelques jours, depuis 2 jours exactement, l'inventivité et l'humour des lycéens déboutés de Parcoursup nous donnent un petit peu d'espoir à nouveau sur le plan de la mobilisation. Alors, je commencerai par parler de l'histoire un peu, qui sont liées à celles de SLU et des mobilisations de ces 12 dernières années maintenant, quand même. Hein, l'histoire de SLU et celle de son site sont liées intimement depuis le début. Mais ce qu'on peut dire, c'est que quand l'association est furieusement endormie, le site continue un peu quand même toujours à bouger. Souvent, l'université est née d'une tribune dans Le Monde, paru le 20 novembre 2007, intitulé « Les présidents d'université ne parlent pas en notre nom pour une université collégiale ». Cette tribune a été rédigée par Pierre Bayard et Jean-Louis Fournel et signée par quelques enseignants chercheurs de Paris 8. Elle a été très vite suivie d'une pétition qui est devenue assez rapidement aussi un collectif avec des satellites dans des universités de Lille à Perpignan, du nord au sud. Le nom choisi souvent l'université était une paraphrase du sigle Souvent la recherche, qui était quand même nettement connu en 2007, grâce au grand mouvement de 2004 dans les labos. Puis très vite, Souvent l'université est devenue une association, loi 1901. Les statuts ont été adoptés dès le 15 janvier 2008. Le site internet a été créé dès novembre 2007. Et je dois dire que dès le début, on y a refusé les commentaires, parce que ça donne trop de travail à modérer et on n'avait pas du tout envie de passer notre temps. Il a recouru aussi, dès le début, à un nombre élevé d'auteurs, soit sous leur propre identité, leur prénom, soit fictifs, avec des pseudos collant à l'actualité, au contenu de l'article. Par exemple, Clèves Princesse pour moquer Sarkozy, Zadig et Voltaire pour moquer Luc Chatel, ou totalement des private jokes qui ne font rire que nous, localement. Par exemple, pour ce qui est de moi, mon prénom, Marianite, donc, qui me sert assez souvent, comme pseudo, je ne dévoilerai pas tout, hein, mais un peu quand même. Par exemple, Alphonse D, pour saluer l'opiniâtreté de la députée Isabelle Attard, qui, telle la chef de M. Seguin, s'est battue contre la loi Fioraso jusqu'au bout. Bonnet blanc et white bonnet, quand c'était la saison de l'enfumage sur les cours en anglais qui prenait toute la place dans la presse. Le club Jean-Pierre Vraiment, c'est moi, j'avoue. Jan van den Hoorn, c'est un patineur hollandais, ça, ça fait rire que moi, je ne dirais pas. Mademoiselle de Scudéry, c'est moi aussi. Mamzelle et Sélu. Alors, quand on est très fatigué, qu'il n'y a plus personne sur le site qui travaille, on s'appelle Puissante Cellule Site, pour bien montrer qu'il n'y a personne. Ou qu'on est nombreux, ça dépend. On ajoute aussi, et ça prend du temps, mais c'est intéressant quand même, des logos, des articles, des gifs animés, des illustrations, des vidéos. Au total, cette gestion a été le fait de 16 membres du CA, au total, à des degrés divers, hein, bien sûr, de quelques articles, à des milliers, comme Laurent Giavarini qui n'est pas là, des milliers, ça se compte en milliers. Bon, à l'heure actuelle, on est 2 ou 3, 2,5, je dirais. Voilà. Alors, est-ce que SLU accompagne, reflète les mobilisations? Les rubriques de notre site en sont un peu le reflet déjà. Donc on a une rubrique actualité humeur, nos communiqués, les communiqués des syndicats, des coordinations, des associations, des sociétés savantes, les textes officiels, la pratique du pouvoir, la mystique du management, des archives sur l'évaluation, les primes, une revue de presse importante, une rubrique sur les questions d'argent, sur les statuts, la précarité, université, problèmes et débats, ça, c'est la rubrique sans fond, sur les structures de la recherche, sur la masterisation et les concours de recrutement des enseignants, etc. La diffusion de nos articles, de nos posts de blog, se fait par une newsletter, mais il n'y en avait pas eu depuis 2014, on en a refait une le 19 mai dernier. C'est-à-dire qu'il se passe des choses quand même. La semaine de SLU, qui paraissait aussi le dimanche, pour récapituler un peu les articles des gens qui n'avaient pas eu le temps de la lire, pareil, il n'y en avait pas eu depuis 2014, il y en a eu une le 8 mai dernier. Et puis, depuis décembre, Laurence Giavarini, sur une liste, une mailing list de SLU qui compte 250 ou 300 lecteurs, envoie des informations. Sur PrépaCorde aussi, qui compte 800 abonnés. Bon, c'est pas énorme, mais ça nous fait quand même un lectorat assez régulier. Alors, les grandes étapes de SLU sont indissociables de celles du site et des réformes de l'enseignement supérieur qui nous assaillent depuis 2007-2008, Sarkozy, Pécresse, Darcos, l'OLRU, je les cite un peu en vrac comme ça, mais vous allez voir que ça fait sens au bout du compte. Plan Campus, qui a créé 10 pôles d'excellence, Académie de Pride, contre le démantèlement du CNRS, masterisation des concours de recrutement des premiers et second degrés. Par exemple, un texte qui a été écrit à cette occasion par Alexis Grélois a fait plus de 50 000 visites, et qui est toujours actuel, presque en tête de nos lecteurs alors qu'il est. 2008-2009, le discours de Sarkozy du 22 janvier s'est chauffé, il y a de la lumière, a donné lieu à ce communiqué. Le 2 février, l'université et les laboratoires s'arrêtent. Et donc la plus grande grève que vous connaissez depuis des siècles dans l'enseignement supérieur. Puis ensuite, masterisation des concours de recrutement des enseignants, refus de remonter les maquettes. On a fait un concours de recettes de maquettes de poissons, de maquettes enfin à toutes les sauces. Ensuite, il y a eu les élections européennes en 2009 et on a posé des questions aux candidats. Ensuite, on a expliqué la masterisation à la princesse de Clèves qui n'en voulait rien savoir. Et puis, finalement, quand même, au bout de ce mouvement qui n'a pas débouché sur grand-chose, la réforme du statut des enseignants-chercheurs a été supprimé, pour un temps du moins, et la masterisation a été retardée. 2009-2010, Sarkozy, Pécresse, Châtel, tout change. Premier concours post-réforme de recrutement des enseignants, calendrier impossible, hamstérisation, 1,6 million d'élèves cobayes de la réforme de la formation des enseignants dès septembre 2010. C'est un de nos communiqués de 2010. 2010-2011, Sarkozy, Wauquiez, grand emprunt, IDEX, rapport Attali, TOTEX, c'est-à-dire que SLU et SLR, de concert, ont provoqué un empilement de toutes les structures d'excellence devant la tour de Jussieu. Il fallait voir à cette occasion Laurence Giavarini dans la nacelle du camion Ben pour monter les cartons de l'excellence superposée. Après, bon, je vous en passe pas mal. Hein. 2011-2012, IDEFI, circulaire Guéant sur les étudiants étrangers. Et je remonte. Pardon. Préparation de l'élection présidentielle. Question entretien avec des candidats, par exemple, candidat PS. Nous écrivions alors, malgré tout, nous ne pouvons cacher notre inquiétude d'avoir vu Vincent Peillon entouré de représentants de plusieurs groupes, CPU, conseils régionaux, praticiens hospitaliers, qui pour certains au moins se sont fort bien accommodés de la politique universitaire menée depuis 2002, voire qui l'ont inspiré. Ça c'était avant les élections, 2012. 2012-2013, Hollande, Peillon, Fioraso. Assise nationale, un grand moment de dialogue social réservé à ceux qui pensent la même chose. C'est un des titres de notre communiqué de l'époque. On a commencé aussi à dénoncer les emplois d'avenir professeurs. On a refusé de participer aux assises territoriales. On a bu la LRU jusqu'à la LI. LRU 2.0. On l'a lu énormément de près, ce projet de loi. On a lu tous ces amendements, retravaillé tous ces amendements. On en a proposé d'autres aux sénateurs. On les a suivis de très près. Rien n'y a fait. 2013-2014. Enseignement privé, pays ont écarté les étudiants non européens du concours de recrutement. On a fait aussi organiser une journée de mobilisation en juin 2014 contre le passage forcé au COMUE, et qui était rassemblant assez largement, notamment ici dans un grand amphithéâtre, des gens opposés au COMUE. 2014-2015, Science en marche, le doctorat nouveau va arriver, c'est de la piquette, ne pas garder, c'est le type d'un de nos communiqués. Et puis, on a encore une fois poussé vers les associations par rapport aux les associations d'université plutôt que les communes. 2015-2016, Hollande, Vallaud-Belkacem, Mandon, IDEX, deuxième tour, loi travail, nuit et université debout. Bon, là, la mobilisation se fait un petit peu moindre. Hein. 2016-2017, lutte locale, analyse des programmes électoraux. Et dès mai 2017, donc l'année dernière, nomination ESR, il faut que tout change pour que rien ne change. Voilà, ça j'ai fait un petit peu l'état des lieux des 10 dernières années. Ce qui est saisissant tout de même, hein, lorsqu'on se penche sur ce passé récent, c'est l'extraordinaire résilience de la communauté universitaire. C'est-à-dire qu'on nous a fait tout avaler depuis 10 ans, j'ai l'impression quand même. Alors, pour revenir au site un peu de SLU, les plus gros succès, c'est-à-dire le plus de pages vues, mais ça ne dit rien de pages lues, hein, mais les pages vues, on va dire. Un qui est toujours actif, c'est le taux de rémunération des vacataires, qui a fait 58 000 visites, les masterisations. Et depuis cette année, depuis mars, nous avons récapitulé toutes les motions de département, du FR, de présidence même, qui refusaient de trier les étudiants sur la plateforme Parcoursup. Et cette fois-ci, elle a fait quand même déjà 24 000 visites. Mais bon, encore une fois, ce n'est qu'un reflet du nombre de visites. Hein, je ne peux pas tellement dire plus. Il y a des citations, des reprises, des retweets. Ça débouche sur... Ça peut aller très vite et s'enflammer très vite. Alors, est-ce que SLU est un acteur de cette mobilisation? C'est aussi difficile à dire. Disons qu'on a vieilli aussi, nous, depuis 2007-2008. En 2008-2009, on co-organisait les premières CNU. On occupait l'AERS avec SLR. On organisait des conférences de presse sauvages. On en fait moins maintenant, pour te dire. À partir de 2010, on a changé légèrement les statuts de l'association pour avoir la possibilité de recourir au Conseil d'État, au tribunal administratif, où nous avons obtenu quelques victoires. On n'est jamais intervenu seul, mais quand même, ça, du coup, on a pu faire, lancer nous-mêmes un grand emprunt, il n'y a pas de raison que les autres que le pouvoir, et on a pu avoir un peu d'argent pour recourir. Avec SLR, on a organisé une grande assemblée générale aussi de l'enseignement supérieur et de la recherche, au préalable aux assises de l'enseignement supérieur du gouvernement Hollande. On a donc recouru au Conseil d'État avec la FCPE et Sud contre les arrêtés sur la mastérisation des enseignements, qu'on a gagné, mais on les a gagnés 2 ans après, bien sûr. Hein. Encore une fois, notre contribution aux assises nationales de l'ESR, j'ai noté cette phrase, il est confondant à cet égard de constater que l'alternance, donc qui venait d'arriver en 2012, a conduit à la direction de l'ESR, une partie de ceux-là même qui ont mis en place en grande hésitation les réformes qu'on entend amender maintenant, et que l'ensemble des discours politiques accompagnant le processus des assises est clairement comme au plus beau temps de la mise en place de la LRU, du côté de l'innovation en lieu et place de la recherche, du côté de l'obsession de la professionnalisation précoce en lieu et place d'une véritable réflexion sur l'enseignement universitaire ancrée dans la recherche, du côté de la technocratisation des structures en lieu et place de la démocratie et de la collégialité, du côté de la mastérisation, c'est-à-dire de la prorogation de master validant des diplômés en enseignement en lieu et place d'un système reposant sur les concours de la fonction publique d'État. On est intervenu aussi encore une fois au Conseil d'État avec le GISTI, l'affaire CGT, la Ligue des droits de l'homme contre pour obtenir la suspension du décret du 23 août 2013 interdisant aux étudiants étrangers de se présenter au concours de recrutement au CAPES. Alors, est-ce que tous nos communiqués, et on en a commis un nombre incalculable, sont de l'action, je vous laisse juger, mais bon, ça nous prend du travail, ça c'est sûr, de l'action, je ne sais pas. Depuis janvier 2018, on a appelé avec la SES à la première coordination nationale de l'éducation, qui a donné lieu à l'appel du 20 janvier de cette année. Et alors, ce qui prouve qu'on a vieilli maintenant, on achète des badges, on les distribue, on achète des affiches de soutien à la SNCF, on achète des billets de train, voilà, enfin je parle pour moi, là, c'est moi qui ai vieilli. Alors je prendrai pour terminer l'exemple de la loi Auré et de Parcoursup, depuis novembre de cette année, ça a donné lieu à 430 articles, c'est-à-dire que ça fait une moyenne de 2 par jour. Donc à 2 ou à peine plus, finalement, on travaille bien. Le nombre de visites par mois du site, qui était de 25 000 en septembre, est passé à presque 100 000 en avril de cette année, a rapporté aux 21 000 visites en avril 2017. C'est-à-dire que la fréquentation de notre site a été multipliée par 5 à peu près en un an. Visite unique, hein. C'est visite unique ou... Je ne sais pas, ça. Je ne sais pas, j'ai pas le détail des visites. Il faudrait que j'aille voir précisément les statistiques du site. Que je vais regarder une photo. Tu peux venir sur le site et puis consommer. C'est ça. Oui, bien sûr, oui, ouais, c'est sûr. Quand tu rapportes. Oui. Alors, quelques exemples de ces articles. Bon, il y a tout d'abord un recensement des actions, des motions, des mobilisations. Donc les motions qui arrivaient en ordre dispersé de décembre à février, au départ de département de sociologie ou de sciences politiques, qui refusaient de trier les étudiants, de créer des commissions d'examen des vœux, on les a regroupés en un seul dossier au moment du grand froid de février, et ça s'appelait des motions comme s'il en neigeait. Donc on a pu donner un peu de visibilité à toutes ces motions éparses. Pour ma part, le début février, j'ai été assez stupéfaite de tomber sur de la pub de coaching en cherchant des informations sur le site d'EducPro. Et donc j'ai effectué un regroupement de captures d'écran de sites commerciaux sous le titre « À qui peut bien profiter Parcoursup ?» Et par un miracle que je n'explique pas, il a attiré 15 000 visites en quelques jours, des appels de journalistes, des reprises multiples dans les journaux, des lettres d'insultes, des coachs. Ceux, par exemple, que j'avais comparé à de l'embrouillette AAA, parce qu'ils avaient écrit « Nous aidons les leaders à développer 5 vertus aspirationnelles, l'attention, l'ancrage, l'authenticité, l'alignement et l'agilité. » Pas content du tout. Donc, bon, après, donc, du coup, j'ai balancé à la journaliste du Canard Enchaîné qui me demandait son nom. J'ai tout dit, j'ai tout appris. Depuis mars... Avec, donc je vous l'ai dit déjà, nous répertorions avec l'aide de Frédéric Leblanc, qui est une sociologue de Nanterre, tous les départements et les présidences et les UFR qui refusent d'appliquer Parcoursup. Depuis mars-avril, nous recensons aussi les facs occupées, les violences policières ou cagoulardes, les évacuations, les réactions, les mobilisations en cours, les violences contre les étudiants. Et puis nous avons fait au mois d'avril un petit manuel à l'usage de ceux qui étaient sur Mars les 3 mois précédents, qui s'appelle Comprendre Parcoursup, qui a lui aussi occasionné pas mal de lectures et pas mal de remerciements aussi, c'est-à-dire que les gens ont bien apprécié ce qu'on leur explique tout ça. En avril, nous avons publié une lettre d'Alexis Blanchet à sa présidence de Paris 3, qui s'intitulait « J'arrête car nous crevons de ne pas arrêter ». Elle a fait elle aussi 14 000 visites et avec une fulgurance incroyable. Donc ça devait faire sens, à mon avis. Et depuis mai, depuis fin avril, début mai, nous démontons de façon intensive les réponses à une enquête qu'on a lancée auprès des commissions d'examen des vœux, afin de montrer que les algorithmes locaux, le nombre de dossiers par commission, les capacités d'accueil sont absolument inéquitables dans toute la... C'est absolument n'importe quoi en faisant cette comparaison. Et notre bêtisier qui est paru lundi dernier a déjà fait 2000 visites et promis, j'ai l'impression, un bel avenir parce qu'on en découvre tous les jours plus. Et aussi promis un bel avenir, c'est le compte à rebours qu'on a commencé depuis le 22 mai, donc il y a deux jours, sur les résultats de Parcoursup parce que les lycéens sont absolument... d'une créativité sans limite. Et notamment, ils ont repris la tapisserie de Bayeux d'une façon grandiose. Et la reine Mathilde qui a bien se tenir. C'est une broderie, tout le monde sait que c'est une broderie, n'est-ce pas, Sophie? Depuis décembre, les communiqués du CA, de SLU, se sont multipliés aussi. Et on peut remarquer incidemment que les journaux comme Libération ou Le Monde, qui les acceptaient volontiers, c'est fini pour nous. Individuellement, oui, on a une tribune qui est parue, mais collectivement, ça ne passe plus du tout. Donc notre premier communiqué de fin décembre, ça s'appelait « Injustice universitaire, mauvaise question, mauvaise réponse et vrais enjeux ». Il est paru en tribune sur Mediapart. Le deuxième, « Ils sont très pressés, écrivez à vos représentants vu qu'il ne soit trop tard ». C'était sur l'amendement du sénateur Grosperrin, qui n'est pas passé, mais qui est quand même passé un peu tout de même, entre qui voulait lier, c'est son rêve depuis toujours à Grosperrin, qui voulait lier les capacités d'accueil aux débouchés à l'université. Donc on a écrit à tous nos représentants, sénateurs, de la commission des affaires culturelles, etc. Un autre communiqué en mars, ça a été de classer tout le monde ex aequo. C'était peut-être une erreur d'ailleurs, mais on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Le 24 mars, suite à l'intervention de Nervi Cagoulé dans la fac de droit de Montpellier, avec la bénédiction du doyen et en présence d'un enseignant au moins, nous avons fait un communiqué qui s'appelle « La Cagoulé et le doyen ». Puis, peu de temps après, en avril, début avril, la ministre et le milliard, quand Frédéric Vidal s'est demandé comment les enseignants-chercheurs qui refusent de trier les étudiants pourraient regarder les étudiants dans les yeux après que le gouvernement a eu l'extrême générosité de mettre à sa disposition 1 milliard d'euros. Et ça fait un flop total sur le site, à peine 300 visites. Ça n'intéressait personne. Puis, Début avril aussi, nous avons fait un communiqué s'intitulant « Vidal ou la violence de l'extrême-centre » qui réagissait à ses propos sur la mise en scène des affrontements entre l'extrême-droite et l'extrême-gauche. C'est-à-dire qu'elle faisait mine de renvoyer dos à dos l'extrême-droite et l'extrême-gauche. Ensuite, comprendre Parcoursup, le petit manuel dont je vous ai parlé. Et en huitième communiqué, les présidents d'université ne parlent toujours pas en notre nom, en réponse à la tribune de 63 présidents d'université par eux dans le monde, qui n'a incidemment pas accepté notre droit de réponse, bien sûr. Et on pouvait penser que la boucle était bouclée avec notre tribune inaugurale de 2007, qui s'appelait aussi « Les présidents d'université ne parlent pas notre nom ». Eh bien non, parce que notre travail auprès des collègues de démontage des commissions d'examen des vœux a débouché sur un neuvième communiqué qui date du 19 mai, qui s'intitule « Pourra-t-on faire la rentrée 2018 ?» Et ça démonte un peu Parcoursup, l'algorithme et le regard humain, au pays du père Ubu, le travail des commissions, troisièmement, la folie des vœux non hiérarchisés, quatrièmement, il n'y aura pas de place pour tout le monde, cinquièmement, l'autoritarisme contre les libertés universitaires, et en sixième lieu, la rentrée est en danger. Pour conclure provisoirement, du moins ce mouvement, on n'a aucun moyen de savoir si on sert à quelque chose sur l'université. Notre écho sur le site dépend beaucoup des relais sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook. Voilà. Une chose est sûre, c'est qu'on se sert à nous-mêmes. Individuellement, on se sent moins bête. Enfin, moi, je me sens moins bête, je me sens moins seule. Ça me réchauffe le cœur de savoir quand le Guardian, un enseignant d'école de commerce, a dit « Il y a 13 000 business schools dans le monde, c'est 13 000 de trop. » Il a proposé de les bulldoriser toutes. Ça fait un flop total sur le site. Ça a été vu seulement par 100 personnes, mais moi, je me sens mieux. Voilà. Par exemple, très récemment, j'ai su instantanément que la ministre s'est emmêlée les crayons, voire l'a fait exprès, je ne sais pas, dans les chiffres à la radio. Elle a dit qu'il y avait 65 000 tirés au sort avec APB. Je sais que c'est 3 500 seulement, et pas 65 000. Bon, il n'y a personne, aucun journaliste pour la reprendre au moment où elle dit ça, son ânerie, mais moi je le note vite dans un coin et je le publie sur le site très vite. On reçoit des remerciements, des nouvelles adhésions à l'université, ce n'était pas arrivé depuis 4 ans, de nouveaux abonnés à la mailing list. On est appelé pour notre expertise, bon, plutôt chez Mediapart que chez BFM, plutôt au Canard Enchaîné qu'au Figaro. On nous donne une réputation de sagesse plus grande que nous, les gauchistes. J'ai reçu une lettre récemment. Et je terminerai en citant un de nos collègues, sur PrépaCord, c'était à propos de la préparation d'une coordination, qui disait « Si l'intersyndical décide de se mettre en mouvement et de travailler avec d'autres tracteurs, SLU par exemple, on peut enclencher quelque chose de puissant. » Ça, c'était au mois de mai, début mai. Alors, SLU, est-ce une vigie, comme le dit Michel? Est-ce un tracteur? Je vous laisse juger. Voilà. Merci. En tout cas, c'est un acteur, manifestement, puisque... Pardon ? C'est un acteur, manifestement, puisque... Un tracteur. Il ne fait pas que relayer, il analyse et il publie ses propres textes. On fait une petite discussion sur ça. Alors moi, j'ai une question, j'ai une partie de la réponse, mais je pense que ça mérite d'être re-questionné, c'est la séparation SLR et SLU. À l'EHESS, on avait créé SLRU. SLRU. Parce qu'on n'était pas à l'aise dans ce partage pour des raisons simples, parce qu'ici, on n'est pas vraiment une université et qu'on est bourré de CNRS. Bon. Donc, si on voulait mobiliser, il fallait arriver à. Alors, est-ce que ce partage. Comment du point de vue. Voilà. Je pense que dans l'histoire. C'est pas toute l'histoire de SLU parce que j'étais pas dès le début. Je pense qu'au début, il a été demandé une fusion qui n'a pas été acceptée du côté de SLR, je pense. C'est ça. Je ne suis pas certaine de ça. Je pense que SLR est un peu en sommeil depuis même très nettement en sommeil, il a même failli carrément se saborder en 2010 ou 2012, 2013 peut-être, je ne sais plus. Et le site de SLR fonctionne encore avec quelques, un individu enfin, qui remplit des questions. C'est une Mercedes aussi, SLR, donc c'est vrai que Google... Oui. Mercedes SLR Men's... Non mais... donc la fusion aurait très bien pu se faire au départ, hein, je pense. Elle n'a pas été acceptée ou elle n'a pas été... Je ne saurais pas en dire plus parce que je n'étais pas au début de SLR. Moi, je suis arrivée seulement en 2009, c'est-à-dire qu'en 2007, je n'y étais pas. Ça commence bien avant encore, hein, c'est 2004, avec les états généraux de la recherche. Et c'est l'air, oui, c'est l'air, bien sûr, oui, en 2004. Ah oui. Je ne sais pas 2004, si tout le monde a en tête, en fait, les cours. Oui, les cours bien sûr. Ça s'est fait à partir de ce texte qui a été écrit dans une tribune dans Le Monde par un certain nombre d'enseignants de Paris 8 au départ, hein, à savoir exactement Jean-Louis Fonel et Pierre Bayard, et signé par d'autres enseignants en 2007, en novembre 2007. Mmh. Je parle de SLU là, oui, bien sûr. Oui, mais je pense qu'il faudrait demander tout ça à ceux des débuts, comment s'est fait la jonction avec SLU, comment elle ne s'est pas fait. L'interprétation, elle est grossière, c'est-à-dire en gros, les chercheurs des instituts de recherche demandent de l'argent, en obtiennent en partie, ou obtiennent en tout cas, notamment l'ANR, finalement, et l'AERS, ça a été un peu la réponse. Ils font leur business avec ça, alors que les universités, évidemment, continuent un peu à... ABC. Voilà. Et du coup, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir aussi les tensions qu'il y a à l'intérieur. Même si à l'intérieur du CA, de SLU, il y a un certain nombre de non-enseignants, de juste chercheurs. Plutôt en sciences sociales, non ? Oui. Parce qu'en termes de discipline, justement, c'est... En termes de discipline, dans le CA, c'est... au départ, il y avait énormément de sciences humaines. Depuis 2014-15, il y a quelques scientifiques quand même qui se sont ajoutés, mais qui sont principalement des chercheurs et non des enseignants-chercheurs. C'est aussi à l'occasion. Hein. Mmh. D'accord. Tu veux rebondir sur. Non, moi j'ai plutôt une question sur la forme que prennent ces communiqués, notamment le recours à l'humour. Parodie, pastiche, dans le titre qui accroche l'œil, la rétine. Moi, je m'amuse aussi beaucoup à ça, hein, dans un petit peu qui s'appelle le Rogue USR, où on caricature beaucoup. Il y a aussi l'international de l'élection scientifique, où on fait des trucs très cons. Et des fois, je m'interroge, je me dis, en fait, ça fait rire que nous. Ça fait rire que nous. Et ça rassure aussi de rire ensemble, parce que ça me paraît... Sinon, tiendrait pas, je crois. Mais je sais bien. Mais je m'interrogeais justement sur la place de l'humour, de la dérision, de l'ironie, et le fait qu'en face, les adversaires ne rient pas. Et pourquoi ça ne rit pas? Et pourquoi ça... Potentiellement, ça peut aussi susciter... Tu sais pas s'ils rient pas. Je pense pas. Je pense pas du tout. En tout cas, pas dans leur expression publique. Jamais. C'est peut-être... Mais ils ne rient pas parce que... Non plus, ils sont dans l'esprit de sérieux. J'écoutais Vidal là, qui est passé sur une station, je sais plus quoi. Mais tout, c'est vraiment tout va très bien, Madame la Marquise. Il n'y a si tu conserves ton esprit de sérieux, ma foi, tu es un paquebot et tu es prêt à affronter toutes les météos, alors que les gens qui se marrent là, c'est un peu les singes, tu sais, le singe ou le perroquet du capitaine, quoi. D'une certaine manière, on se décrédibilise en étant ainsi, j'imagine. Et moi, je rêve ça, je rêve de ça, d'un style de technocrate, alors pastiche aussi, mais où l'on n'emploierait que ça. Sur le site The Chronicle of Higher Education, tu as, les gens sont extrêmement sérieux aussi, et ils balancent des choses sur le site Jacobin aussi, là, c'est pareil. Donc les anglo-saxons ne plaisantent pas. Du coup, ça donne un poids aux propos que n'a pas celui qui essaye comme ça de jouer un peu. Voilà. Je dirais quand même que nos communiqués et nos newsletters sont relativement sérieux. Ah oui, bien sûr. Le site, on a un certain nombre de on fait marcher un peu d'humour, mais par contre, tout ce qui est... et puis, je vous ai épargné tous ceux qui ne sont pas passés, parce que quand on s'accroche entre nous et que ça peut durer, c'est une écriture collective, un jus de crâne collectif qui prend du temps, qui est parfois assez dur. Hein. Notamment, vous en avez échappé un sur la presse aux ordres récemment, quand ça a basculé entre le mouvement est en train de prendre, et c'est devenu, début avril, les professionnels du désordre, et l'intervention du CRS à Nanterre, tout ça. Donc c'est vraiment empaillé entre nous, et les communiqués, vous ne l'avez pas eu, il n'est pas sorti. Je dis volontiers parce que j'étais pour qu'on le sorte, moi, mais voilà, j'ai pas eu gain de cause. Parce que dans l'opinion publique, le mouvement était en train de prendre pas mal. Et sauf qu'il y a eu dans la même semaine, Vidal, l'évacuation de Nanterre assez violente et tout ça, elle a fait basculer, y compris des journaux comme La Croix, qu'on ne peut pas penser, a priori, c'est pas le Figaro, quoi, normalement, La Croix. Qui disait que donc c'était c'est pas toujours humoristique ce qu'on nous communique. Il y en a qui sortent pas, qui n'arrivent pas à sortir. Enfin, celui-là, il n'est pas passé. Je n'aurais pas le dit, il n'est pas sorti. Je l'ai dit. Mais dans la question d'Arnaud, il y a quand même une question de fond sur le répertoire d'action et c'est son épuisement potentiellement. L'épuisement, mais effectivement le type de circulation que chaque forme d'action produit est l'humour, l'ironie. Effectivement, marche très bien dans les réseaux sociaux, ça produit, mais en termes de performativité politique, je ne suis pas sûr que ce soit absolument génial et que là, il y a un piège. C'est-à-dire qu'il y a tu disais, on tourne en boucle, voilà, on retweet les trucs de SLU qui repassent par Facebook. Alors moi, je ne suis pas sur tous ces machins-là, pas toujours, en tout cas, contrairement à d'autres. Mais on voit bien qu'il y a quand même une espèce de circulation qui décrit un monde, qui a déjà été décrit d'ailleurs, puisque les algorithmes en plus en rajoutent une couche. Et donc on se renvoie en boucle, effectivement, les shadows. Et là, est-ce qu'il n'y a pas précisément un risque de clôture sur soi qui exclut aussi, d'une certaine manière, des acteurs qui auraient peut-être besoin d'une explicitation, une clarification en tout cas des enjeux. Moi, je me rappelle de la ronde des obstinés qui avait été quand même un moment à la fois drôle et en même temps pathétique à la fin, n'est-ce pas? Où effectivement des gens venaient voir ce qui se passait, quoi, essayer de comprendre, c'était une performance artistique, et puis on discutait avec des gens extérieurs et on avait un travail de conversation. C'était un peu le but d'ailleurs, hein, de rendre visible le mouvement. Bon, à la fin c'est toujours dur, hein. Mais là pour le coup, la question de l'usage de l'humour, hein, mais c'est comme le canard. Moi, le mercredi matin, je vais mieux parce que je sais qu'il y a le canard qui sort, mais en fin de journée, ça n'a rien résolu, quoi. Un million de lecteurs, le canard, quand même. Oui, non, mais je sais, mais je suis un grand lecteur du canard. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a aussi une espèce de clôture du régime littéraire du canard sur lui-même. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, d'ailleurs, ils ont du mal à avancer des valeurs positives. Moi, je me suis accroché avec Jean-Luc Porquet en particulier, où il dit qu'il trouve toujours des toxiques, des pollutions, des lobbies, des machins. Mais on lui dit, mais alors, décris-nous un monde, contrairement par exemple à Hervé Kempf, un reporter qui, lui, va construire aussi une écologie, d'ailleurs, qui est beaucoup plus mobilisée sur la ZAD, d'Antoine-des-Landes, ce reporter, alors que le canard, c'est toujours aller chercher le truc qu'on peut tourner en dérision. Donc voilà, c'est une question, hein, parce que moi aussi je trouve qu'il faut rigoler et que, y compris ici, ils se prennent un peu trop au sérieux. Mais la question des friends, quoi, au sens goffmanien du terme, des moments où ces usages de l'humour sont pertinents, ça mérite une réflexion aussi. Voilà. C'est le jeu, c'est bien de poser des questions stupides. Hein. Vas-y, ouais. Question là-bas. Christine, la SNCF, moi j'ai une question. J'ai une proposition à vous faire. Après SLR, j'ai l'impression que SLR est un peu institutionnalisé, est entré dans le cadre typiquement participatif de la syndicale, et là est arrivé SLU. Et à ce moment-là, bon, il y a eu le mouvement de 2009, etc. Et après, est-ce que vous êtes aussi rentré dans le cadre institutionnalisé ou pas? Vous participez à l'intersyndicale ou pas? Après, j'ai vu que c'est en marche. Maintenant, on voit des psychologues et tout ça. Donc, on voit ce que tu dis. Vous êtes dans l'intersyndicale ou bien c'est parce que vous avez, y a des gens de l'intersyndicale? Moi, j'ai commencé par dire que j'étais à la retraite en plus depuis un moment. Donc, je n'ai même plus un pied dans l'université. J'ai encore des contacts, évidemment, mais il faudrait demander ça à mes collègues qui sont encore en activité. Il y en a un ici, présent. Par contre, savoir si on va s'institutionnaliser comme SNR, on n'en prend pas le chemin, j'ai l'impression. On risque d'éclater, mais pas de prendre des postes ni dans les... je sais pas... dans la présidence d'université, comme d'aucuns, ou c'est pas nous, je pense pas. Ou à la région, hein, à la conseillère régionale, c'est ça? Ouais. Non, pas nous, c'est pas nous. Par contre, ce qu'on risque, c'est de manquer de force pour tenir le site. Pour l'instant, c'est plutôt le site de son université qui fonctionne et quelques communiqués qu'on écrit à 25 ou 20 en intervenant plus ou moins. Intensément, quoi. Mais par contre, on gagne des adhérents, là, ce qui est très... qu'on n'en avait pas depuis 5 ans, c'est saisissant. Une question technique, en fait, à communiquer. Comment vous en discutez? Vous vous voyez en vrai, parce que vous êtes là? On se voit en vrai, on se voit en faux aussi. Il y en a un qui fait un texte martyr. Ça arrive assez souvent, qui propose un texte martyr, qui tourne et qui, à la fin, ne ressemble à plus rien du tout. Mais bon, c'est l'intelligence collective, un peu. Et parfois, ça passe pas, on n'arrive pas jusqu'à la sortie, ça avorte. Mais bon, on y arrive généralement. Tu as fait une présentation très optimiste, je trouve. Et il y a une question qui est pour moi la question centrale, si SLR s'est créé, puis SMU quand même. Tu n'as pas dit dans ces termes, mais je pense en réaction à SLR qui était corporatiste, qui a été qui a conduit à des choses via les états généraux qui ont été désastreux par la suite, etc. Et qui était très scientifique, science dure et assez peu littéraire. Donc on sait quand même les conditions de création de SLU. Donc tout ça s'est créé avec le sentiment que les syndicats ne remplissaient pas la fonction historique qu'ils avaient pendant l'ère fordiste, enfin disons avant 68, et qu'ils étaient moins efficaces maintenant pour une raison ou une autre, et que du coup ces petites associations mobiles peut-être on allait faire mieux. Mieux, je ne sais pas. À côté. Alors, du coup, c'est ça ma question. Est-ce qu'il y a un moment où on peut avoir un retour réflexif? En quoi est-ce qu'on juge ou on jugeait que les syndicats étaient, ne remplissaient pas leur fonction naturelle? Et en quoi est-ce qu'on a fait mieux? Et s'il faut couper ces branches-là pour en tirer des nouvelles, dans des nouvelles idées, est-ce qu'il y a des pistes? C'est une énorme question. Enfin, je n'ai pas les moyens d'y répondre ici ce soir tout seul, je ne pense pas. Ça serait une réponse collective à la rigueur, mais... Bon, est-ce qu'on s'engage à y répondre avant de partir? Moi, j'ai une hypothèse là-dessus. Ah. Je pense que les réformes vont partir d'un certain moment, dans le secondaire et dans le supérieur. Elles sont attaquées beaucoup plus frontalement au travail des personnels, des profs. Mais le travail, hein. Pas le métier en général, pas le travail. Et je me souviens d'un discours de Sarkozy sur les chercheurs, ça les a heurtés. Et dans le secondaire, ça a commencé avec Allègre. Moi, j'étais au SNES. Et on ne comprenait pas, à partir d'un certain moment, Alec avait fait une croix sur le SNES, il ne voulait pas discuter avec le SNES. Il voulait bien discuter avec sa fédération, pas discuter. Et le SNES faisait tout pour essayer de pouvoir discuter. Et les enseignants, à partir d'un certain moment, ils ont dit, mais le SNES, il faut demander la démission d'Alec. Faut pas essayer de discuter avec ce personnage, quoi. Parce que il avait heurté les enseignants dans leur dans leur dignité, leur profondeur, dans leur éthos, voilà, dans leur travail, quoi. C'était le premier avec l'absentéisme, enfin les discours, voilà. Donc c'est une hypothèse, et c'est vrai que les syndicats, c'est toujours un peu la chose, ont du mal à parler du travail comme actif. À un moment donné, il y a eu l'appel des appels, je pense que vous vous souvenez. Bien sûr. Et justement, c'était un cri du travail. Après, ça dérivait, quoi. Ils sont pas. Voilà. Et c'est mon hypothèse, c'est-à-dire que dans toute la sphère universitaire, scolaire, etc., c'est le travail qui est en cause. Alors qu'avant, c'était la pédagogie, c'était les choses autour du travail. Et comme j'avais un peu suivi les trucs de l'OCDE à l'époque, c'est à l'époque aussi que l'OCDE, vous connaissez, commence à diffuser l'idée, si on veut faire des réformes, que ce soit dans l'éducation ou dans l'université ou la recherche, il faut s'attaquer au travail. Sinon, on fait des réformes, mais les gens, ils continuent à faire le même travail, donc ça ne réforme rien, quoi. Alors que là, la cible, c'était le travail. Et puis, ça réussit. Parce que, si j'ai bien compris, les chercheurs, ils ne reconnaissent plus leur travail. La crise actuelle, quoi. Les profs d'université, puis leur secondaire, c'est pareil, puis les instituts, c'est pareil, quoi. On veut cadrer leur travail comme si c'était de simples exécutants. Alors que... Bon, c'est une hypothèse. Hein. Oui. Je propose peut-être qu'on enchaîne pour éviter un peu de bruit. C'est moi qui enchaîne. Allez, comme vous voulez. Comme tu veux, comme tu veux. Vraiment, c'est spontané, donc autogestion. Non, de toute façon, chacun a son tour.